Sentir j'ai capé de patience, aïe pour commencer. Au soir là, faut qu'il pas les bons mois. Est-ce qu'à sentir bien si nous si même chimé fort faire me savez. Faut qu'il pas les bons mois. Est-ce qu'à sentir bien bébé on sait que les que nous approcher. Rien qui nous desserre. En bas mais pas ni rien d'autre que compter ça fait dire. Chez-moi depuis longtemps. En voix au loin parfait, on déjà tout prêt. Qu'en première fois tout ça sans moi enflammé. Tout n'est aussi pour moi, peut s'admirer. On bosse d'eau en main. Au soir là, faut qu'il parle bon moi. Est-ce qu'à sentir bien si nous si même chez moi, faut me savoir. Faut qu'il parle bon moi. Est-ce qu'à sentir bien bébé. En tout cas, les gars nous rapprochent. Rien qui nous desserre. En bras, on me panique, rien d'autre qu'à compter ça. Dit qu'il est nous képé en, dit qu'il est péqué ni en an. Pas fait genre, ça qui parle nous chauffe cabane. Non pas même dit qu'il est nous képé en, dit qu'il est péqué ni en an. Pas fait genre, nous sa vie j'attends. Y'en qui nous desserre, en bras en mouet pas ni a y'en d'autre qu'à compter ça. Chez moi depuis longtemps. Rien qui nous desserre. On va en mode panier, rien d'autre que compter. Ça fait durer longtemps, longtemps, longtemps. Fais mes désirs, laissez-moi. Rêve et parole, on m'a mené en d'autre côté. Dieu, ça ici chez moi depuis longtemps. Bonjour à tous, nous sommes le 1er juin et le premier dimanche de chaque mois, c'est Musique Jeudi dans l'émission Code Lambi sur Radio FPP, les musiques actuelles, contemporaines de la Martinique, de la Guadeloupe. On a démarré en mode compa love avec le morceau d'Anthony Drew, extrait de son album, le morceau Yankinoudé, extrait de son album Story, qui vient tout juste de sortir, aller chercher ça, différentes couleurs. On l'a entendu le mois dernier dans cette même émission en mode reggae. Là, c'était en compa love. Il y a aussi du compa un peu plus accéléré. Toute une variété de la nouvelle scène créole, Anthony Drew. On va enchaîner tout de suite avec une grosse combinaison Wiki G, Kérosène, Kalimali, le titre sans prétention sur la compilation Timoun Soleil 2. Timoun Soleil Bali Bayou sans prétention. Wiki G arrête. Sans prétention, avec le son nous chassons toute vibe nuisible. Car nous chantons les visions du ciel qui nous inspirent. Plus armés que le béton, ils ne pourront pas nous détruire. Pour la nation, nous militons, quitte à mourir. C'est les sons là qu'à tourner, qu'à tourner, qu'à tourner. Wow, fais nous rapper un pied, en nous l'aille qu'à tourner, qu'à tourner, qu'à tourner. Wow, y'a peut pas parler, ben nous et nous qu'à tourner, nous qu'à tourner. voulait du frère nous qu'a exprimé nous. Nous qu'a tourné, qu'a tourné, qu'a tourné. Wow, wow. Texte là qui est toujours marqué à tout petit frère. Mon plaque à ou qu'a bref sans point marac. Pendant son qu'a filmé matraque. Nous qu'a chanté matraque. Donc papa nous pour marac. Après mes lives, mon bot là, mais là nous différence de bagage. J'assume, nous a un crime en mode partage. Tout ça nous qu'a rêvé de ni secondes. Et j'y l'ai pas au bas, les balles qu'a fait caonnage. Son nous pas aussi à pendant les petits frères. Qu'a l'école est fait dans les caoutards. Avec le son, nous chassons toute vibe nuisible. Quand nous chantons les visions du ciel qui nous inspirent. Plus armés que le béton, ils ne pourront pas nous détruire. Pour la nation, nous militons, quitte à mourir. C'est à l'époque, moi, qu'a continué rap. Qu'a fait pas ce n'est comme moi, ni trop crash. Demain, c'est chaud là, donc faut arrêter le braf. Équilibré, vie en moins pistache. Et y'a qu'à respirer son moins, non pas qu'à faire miracle. Y'a qu'à reconnaître le dalle, encore moins si chaque page. Y'a qu'à signe, qu'on s'y aille, pas si grave. Coïncidence, fais-moi rejoindre des anciens soldats. Ouais, oublier, fais mes basses pour adoucir la race. Ou apprendre, pas nous, que nous pas fait nous pète toi. Et à chaque ligne, nous y 10 000 espoirs. À chaque rencontre, qu'est souris, pas on seule fois. Or, pour les mauvais citoyens qui grandent du même mirage. Cali jusqu'à parler des essais, ils savent. Pas ni complications, les nous qu'a fait ça. Nous ça a fait là, sont nous là pour nous jamais obstacle. Sans prétention, avec le son nous chassons toute vibe nuisible. Quand nous chantons les visions du ciel qui nous inspirent. Plus armés que le béton, ils ne pourront pas nous détruire. Pour la nation, nous militons, quitte à mourir. Nous j'avouais Jean Yoka manipuler le peuple là. Donc nous ne pas faire son pour bon ou un spectacle. Vérité nous qu'à chanter pour dénoncer tout acte. Yo, jeunesse la désorientée, très peu qu'à bouger, fait ça yo. Pour les faits, pour pas m'enfermer, peu pas dormir en casa yo. Nous tout qu'à vivre en vie en croissant, millions spécial pour yo. Misère la qu'à enrichir les plis gros. La famille n'est contrôlée à tous les niveaux. Les plus haut placés savent très bien ce qu'ils font. Pour leurs actions, en banque pas pour la nation. C'est pas une révélation. Chaque son nous qu'a fait qu'à s'en déflagration. Il est pour réparation mental la nation là. Aliénation, ayo, c'est ça qui poison là. Yo qu'a influencé, tu craignes nous en mauvais sens là. Vivre sens là. Nous pas perdre en face. Sans prétention, avec le son nous chassons toute vibe nuisible. Quand nous chantons les visions du ciel qui nous inspirent. Plus armés que le béton, ils ne pourront pas nous détruire. Pour la nation, nous militons, quitte à mourir. C'est trop important pour m'adresser tranquille avec ma conscience alors. Je m'exprime vraiment partout où je passe, au nom de tous ceux qui pensent en silence. Le Père me protège de toute menace. Quand la foi est là, on fera toujours tomber les masques. Que vos wicked Kalimali seront toujours d'attaque. Prends la grâce, mon Yokati, nous comme un poulara. Nous comme un poulara. Timon Soleil. Ça vous garde ça. Yes! Baby, on nous chappé, va pas ouais. On nous pâtit pour nous pas virer. Il longtemps été la marée, va pas ouais. On nous taillé, la guerre tout est recommencé. She's vous et moi, she's pas qu'à vous l'espace. Et sous que la bombe manquez toujours au combat. Et si la guerre peut être demain caché Madagascar. She's for l'amour et moi. Ok, toujours au combat. Mais si la guerre pétait des mains, qui cachait Madagascar? She's full of moi, baby. D'entendre deux extraits de la nouvelle compilation Timoun Soleil 2 du compositeur Don Jalis, et à l'instant c'était le duo Sway et Kenzie. Et on précise, très grosse sortie de la musique locale des Antilles demain, de lundi 2 juin. C'est l'album de Sway, la chanteuse que vous venez d'entendre. Son album s'appelle Dangereuse et il contient notamment le titre Papillon, qu'on a beaucoup joué dans l'émission, et également ce titre Vous et Moi. On enchaîne avec encore une nouveauté de l'album de Gaby Diop, le titre Attendez-vous. L'album s'appelle Limi et Moi. Déjà passé et a rien pas qu'à changer, c'est pas ni l'intention face à évoluer. Arrêtez, gardez moins d'ancien. La capacité, mais on doit moins fait pas résister. Si c'est fait, je le fais, j'ai soufflé, ça fait pas continuer. Pression là, car mon c'est doux, quoi pour décider. Corps, faut quitter, tiens, parler. Feu de Vini wa ou mwen bebe, ou te wa ou mwen girl. Kante ke fi tjenbe yo Sere ou e tou sinan we Vini ou an mwen bebe Rete ou an mwen girl Jou nou kwaze Depi jou la sa mwen pe pa vi sa Chou pou le mwen chouchou Chou pou le mwen doudou Depi mwen ou goute Depi jou la sa mwen pe pa vi sa L'artiste s'appelle Fripon, son maxi EP New Soul Créole est déjà disponible. Le titre Doucineo qui a été l'un des titres qu'il a fait connaître. Et on va enchaîner tout de suite avec une autre nouveauté, un petit ovni venu tout droit de Martinique. L'artiste s'appelle PK, le titre Je veux un enfant. Je veux un enfant parce que je me sens seule au milieu de mes meubles dans mon appartement. Je veux un enfant même si mes copines disent que je déprime, que c'est pas le moment. Je veux un enfant car j'ai besoin qu'on m'aime, même avec mes problèmes. Un, deux, trois, c'est mieux qu'un petit chat, un poisson ou un rat, un enfant. Un, deux, trois, il m'aimera et il me comprendra, mon enfant. Je veux un enfant, à mon âge, ma mère, c'est mon point de repère, était déjà maman. Je veux un enfant. Les hommes croquent pas dans la pomme quand c'est moi qui l'attends. Je veux un enfant, je me sens incomplète, je suis une comète dans un univers trop grand. Un, deux, trois, c'est mieux qu'un petit chat, un poisson ou un rat, un enfant. Un, deux, trois, il m'aime, il m'aimera et il me comprendra, mon enfant. Fatigue, j'ai peur que ça me bride, que ça casse mes plans. Je veux un enfant, oui mais pas tout de suite, tu vas un peu trop vite, en besoin très chiant, j'assumerai pas devant maman. Hands up, massive hands up, fucking Swift, nous pas besoin de mélanger plus. T'as des M6 qui ont un style bad, d'autres qui ont un style pourri, qui font style hit clash et ensuite court vite. Premier lyric que tu lâches, black, ils s'étourdissent, puis froncent les sourcils, style c'est son, c'est broutille. T'en as plein en haut des charts, en sont ils tous dignes, près de mana qui écrase et qu'on garde en sourdine. Quand t'as ceux qui sont dans les bacs, et en session sur ta cour dream, moi je te le dis tout de suite, le plus triste c'est leur public. Et ça pue le bis dans le chat, sans que la mécanique ne rutine. En plus, ils sont lâches et se classent parmi les plus clean. J'ai vu le film 100 fois et j'en crois ce que dit la doctrine. Peu importe le standing, un fucking reste un fucking. Hands up, sur massive. Hands up, souci en fucking. Suite, nous pas viser mélanger, mais c'est des quantités pour l'homme qui comprend y'a l'homme, et puis pas à l'aïe. Hands up, souci en massive. Hands up, souci en fucking. Suite, nous pas viser mélanger, mais c'est des quantités pour l'homme qui comprend y'a l'homme, et puis pas à l'aïe. Qui whine sans aucun charme, t'as des roots natural dans la danse officielle. Qui se lâche sans que tu le saches, car pas venu pour s'afficher crispé sur les regards vicieux, vicieux sur leurs fessiers, mais c'est qui ça? T'as des femmes qu'on appelait Watapombi, je les préfère aux yéyes, moins niaises, plus dégourdies. T'as les déesses de mon espèce, foncé, blé, métis, et chabines qui se revendiquent négresses, et t'as des négresses bounty. T'as des filles qui ont du style, même quand elles font du slack. D'autres, dès qu'elles ont dû le savoir, qu'elles n'ont aucune classe. T'es non plus d'une facette, d'autres n'ont qu'une surface. T'es peut-être qu'on surclasse, mais ça c'est du passé. Hands up, souci en massive. Hands up, souci en faux. Suite, nous pas viser mélanger, mais c'est des quantités pour l'homme qui comprend y'a d'un bail, puis pas à l'aïe. Hands up, souci en massive. Hands up, souci en fucking. Suite, nous pas viser mélanger, mais c'est des quantités madame qui comprend y'a d'un bail, puis pas à l'aïe. Je le donne aux massives et je le donne aux fucking. Ceux qui connaissent le son et ceux qui font comme si. Ceux qui aiment que pète le son et ceux qui te le confisquent. Ceux qui respectent le son et ceux qui se font kill. Dans ce texte ou dans n'importe quelle vieille compile. Ceux qui aiment presque le son et tous ceux qui me font rire. Tous ceux qui me font mourir de rire. Car ils n'ont aucun sens de la rythme. T'as des types qui disent qu'ils savent, mais ne savent pas ce qu'ils disent. D'autres qui disent qu'ils savent, exilent dans un 16 bars. T'as ceux qui se disent artistes, d'autres qui se disent stars. Qui stagnent et disparaîtront, triste histoire. Ceux qui te mixent piste par piste, un petit freestyle. Dans un studio XX large, d'autres t'enregistrent un classique dans une petite salle. Alors si star, qu'est-ce que tu dis de ça? Hands up, souci en massif et plus vite que ça. Et les puristes partent du ring en zigzag. Car quand le rap se divise, pénurie de lyrics bad. C'est le rap des îles qui s'immiscera. Hands up, souci en massive. Hands up, souci en fucking. Suite, nous pas viser mélanger, mais c'est des quantités pour l'homme qui comprend y'a d'un bail, puis pas à l'aïe. Hands up, souci en massive. Hands up, souci en fucking. Après la douceur de PK et son titre Je veux un enfant, dont je vous recommande le clip disponible sur YouTube, très bon clip à voir, on a enchaîné avec, eh bien, je vous ai proposé un titre de moi-même, EDS, Massive, extrait de mon EP qui arrive très bientôt et ce morceau arrive demain également. On reste en hip-hop avec le nouveau titre de Jean-Luc Poya, La Pia. On précise que c'est la version originale et que le clip du remix, gros remix avec entre autres Edsonix, Neg Lyrical, Natou, arrive très prochainement. Jean-Luc Poya aka Malkema, La Pia. Yeah. En katak, sans protestibia. Entre vieux moins qu'il n'est ce qui plie bien. Ou paraît qu'un, ou c'est la pia. Norbit, migras poutia. Ou pas qu'à promettre qu'on lui mentit à mon monde ça. RSA, mais ou pas qu'à dire pour mon ça. Ou pas chiffré, ou pas gangsta. Ou c'est just un fucking rapia. Ou qu'à promettre qu'on lui mentit à mon monde bas. L'as pompé, carré, c'est bouba. L'as bleu, rombe, l'as fille, mais tabac. Ça pas qu'elle vole la gamme avec la balle là-bas. Et les nouveaux côtés là, pour moi, on parle. Arrêtez, fais ça, ou qu'elle fait jouer au fond, balle. Ou pas dans le futur, ou juste dans les médias, mais ou qu'elle fait rentrer sur Poutine, Wikipédia. Ou qu'on parle qu'elle note d'être, ou qu'on parle qu'elle est en témoin. En partie d'actu, j'ai pas été dans mon encore. Continuez, qu'on soit entre, qu'elle soit bonne, des bobos. Chaque fois, une samedi, ayons, on déjà pas les bazards. Drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop, drop Ou si on dit dans le monde na onya Caporal ma cou a tout dit chakapia Mais laissez pour payer pour chanter en pièce à cassia Pas moi des mouilles à vie en moins y'a pas de vata A la vessie pao y pas blanc y c'est bien Vous fait en crédibilité à la katia Comment c'est rempli gadia ou Mafia ou pas de mafia Ou quand un seul ligne qu'on je nomme mafia Ou original qu'on met bikeya Un jour innové ça casse la plage ya Ou voyez ça un mec moué à niveau out De toute façon déricalement ça bague un nouveau bar Tellement qu'à point pile Tellement qu'à point chat Si mal doit être sous de musique c'est on A point de moins fait trap Trap Trap Trap Trap Trap Trap Trap Trap Trap Trap Trap Trap A point de moins fait trap Trap Trap Trap Trap Trap Trap Trap Trap Trap Trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, Pour Musique Jeudi, Conan Ambi. Et comme on vous l'a dit, c'est la dernière émission de la saison. Donc on va en profiter pour revenir sur les différents artistes qu'on a eu l'honneur de recevoir en interview dans l'émission. Donc toute la saison depuis septembre 2013. Et histoire de rester toujours en mode hip-hop, on repart avec le titre, un titre de Maj Trafic de son EP Petite Prophétie. Nous l'avions interviewé à la sortie de son concert il y a un an maintenant, pratiquement. On écoute tout de suite Mona Lisa, Maj Trafic. Fuck, fuck, fuck, fuck, fucking modest con. Fuck, fuck, fuck, tu fermes ta gueule deux secondes. C'est mon majeur qui fait jouir la Joconde. Elle kiffe comme Lisa Monet, cette bitch de Mona Lisa. Fuck, fuck, fuck, fuck, fucking modest con. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, tu fermes ta gueule deux secondes. C'est mon majeur qui fait jouir la Joconde. Viens pas te mesurer à ma poigne. J'ai la même hargne depuis noni non. Crache de jolies phrases. Des couilles à maman, j'aime pas les putains de balance. Capitule pas, de quoi tu me parles, tu mérites une balle. Boum, chakala, cabral. Voir une rafale qui t'a revenir estropié. Je ramènerai le trophée, les mains ensanglantées. Je m'endors dans les bras écorchés de Morphée. Ces morves veulent ma mort, mais leurs lyrics de merde, j'en veux pas même pour me torcher. Tu fonces des avis, l'impression de faire des putains de bons dans l'avenir. Perché, venez me chercher, allô la NASA. Pourtant zéro trace de schnouf dans les cloisons nasales. Aïe, je n'ai foi qu'en invisible. Du sang de hooligan quand je pète un fusil. J'ai refroidi le périmètre, ramène le ciel de Russie. Ma lumière les attire, ils y vont, c'est du suicide. Une main en or dans un gant de bitume. Si t'as capté le délire, c'est que le pilon est ultime. Soldat 9-7, Guadagnina et tout le tout team. Ma team répond bois sec, c'est que j'ai crié team team. Fuck, fuck, fuck, fuck, fucking modest con. Fuck, fuck, fuck, fuck, tu fermes ta gueule deux secondes. C'est mon majeur qui fait jouir la Joconde. Elle kiffe comme Lisa Monet, c'est bitch de Mona Lisa. Fuck, fuck, fuck, fuck, fucking modest con. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, tu fermes ta gueule deux secondes. C'est mon majeur qui fait jouir la Joconde. Y'a quoi à dire, je me fais plutôt rare dans ce putain de rap, tout pourrave. Mais quand je paiera, je fais plutôt mal. Tire dans le tas, viennent que pourra. Je suis pas le nouveau Da Vinci. Pourtant, j'arrête pas de fendre des choux. On voit ces salopes sur les roses, ces salopards sur les choux. A Big Chun, tous les jours, je remercie le très haut. Ramène mon mètre 90, 120 kilos. Pas besoin de leur dire de se mettre sur le teco. Ici, ça manque de couleur, de la plume. Je suis un seigneur, touche mon million et bang, bang. Rouge vermillon, je refais la déco. Un homme blessé n'est pas dead. Loin de là, guérison immédiate. Prière adressée à l'au-delà. Si t'as pas de talent et tu racontes de la merde, paix la créole style en 4 syllabes comme on dit chez moi, pas arrêter là. Le trafic MT, ils sont mordus. Mi-ange, mi-ordure, je ramène cette drogue dure. Les petits démons adorent mes punch. Ils ricanent à ce qu'il paraît indigène. C'est de la haute peinture lyrique. Fuck, fuck, fuck, fuck, fucking modest con. Fuck, fuck, fuck, fuck, tu fermes ta gueule deux secondes. C'est mon majeur qui fait jouir la Joconde. Elle kiffe comme Lisa Monet, cette bitch de Mona Lisa. Fuck, fuck, fuck, fuck, fucking modest con. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, tu fermes ta gueule deux secondes. c'est mon majeur qui fait jouer la Joconde. J'fais un carnage, elle sourit car moi j'Mona Lisa. Moi j'trafique Mte. Madinina, Guada et tout le tout team. Ma team répond bois sec, c'est que j'ai crié team team. L'homme s'appelle Maj Trafic, anciennement Trafic Jam, pour ceux qui se retrouvaient du côté de la Martinique, de la Guadeloupe et même jusqu'ici à Paris, dans les années, fin des années 90. Il était avec son groupe Chrysanthème, plus largement le groupe Red Zone, une des références du hip-hop en provenance de Guadeloupe et de Martinique. Alors c'est certainement l'un des rappeurs de cette zone qui s'est le plus infiltré dans la scène rap français. Donc suivez toujours les projets de Maj Trafic, très très productif, et on a eu beaucoup de plaisir à le recevoir. On a aussi reçu un autre rappeur de Guadeloupe qui a sorti en fin d'année 2013 l'album Une Trace, un mélange de boom bap et de Kako Music avec la patte du maître Exos, maître Kako. Ce rappeur s'appelle McFla et on va écouter tout de suite un extrait de son album, et je crois qu'il s'agit de Soul Jazz avec General Steel du célèbre groupe Smith & Wesson et du Posse Bootcamp Click. Donc une combinaison Guadeloupe-Brooklyn. Le clip d'ailleurs a été réalisé à Brooklyn. Allez chercher ça, McFla, M-A-Q-F-L-A-H. Son album Une Trace est disponible absolument partout. Donc n'hésitez pas à aller découvrir tout ce qui se fait. Ça vient de Guadeloupe. McFla, McFla, McFla. Yeah, Steel. General Steel. Bootcamp's finest. BCC's Black Panther. On deck, Guadeloupe. My boy Mac Fly, you know how we gotta get it, baby. You know what I'm saying? It's rough out there. We gotta stand strong. Militant mind, criminal grind. Let's get it, let's get it, let's get it, let's get it, let's get it. Sometimes my life seems hard. I pray to my Lord, please give me the strength to slay the demons with my sword. What we saw when I was a little boy made me hard to the core. Take my enemies to war. We can't slip, we can't fall. We can't sleep, can't trip, stand tall. Stand strong, been a soldier since the day I was born. Rep PNC till the day that I'm gone. Uptown where we run, we come from. In this concrete jungle, we walk with enough gun. Live life on a juggle, we hustle for these crumbs. Every day like a struggle, we rumble in these slums. Policeman, enough black man, enough black man lock up in prison. This one man fight them with wisdom. Middle finger up, go fuck the system. From Brigade to Guada, c'est loin à Bifola. Tête là et qu'elle a, y'a qu'à vivre soldier. From Brigade to Guada, c'est loin à Bifola. Tête là et qu'elle a, y'a qu'à vivre soldier. From Brigade to Guada, c'est loin à Bifola. Tête là et qu'elle a, y'a qu'à vivre soldier. From Brigade to Guada, c'est loin à Bifola. Tête là et qu'elle a, y'a qu'à vivre soldier. Ayant la ville son combat, qu'elle nous toute qu'a mené. Obligé qu'elle des fois où il va saigner. C'est l'aide moins qu'à tchimbé, l'air ouais ça qu'a bandé. Bon tien qu'a prié et force en qu'a mandé. L'air ou en difficulté, rester focalisé. C'est là où vous voulez aller ou toi te localiser. Tout ça qui qu'a compté ou toi te totaliser. Mentalité soldat, nous fin globalisé. Nous adons système où s'arrête de penser. Ce monde qu'a détourné, pas savent qu'a pour penser. Tous les jours c'est gourmé pour faire bite rivé. Pour pas arrêter privé et faire ça ou sensé. En qu'a fait ça un peu pour tête là pas baisser. Tout vent qu'a gâté et toi être qu'a dressé. En peu pas qu'a lagué, déprimé ou stressé. C'est positivité, emparé pour laisser. From Brigade to Guada, c'est loin à Bifola. Tête là et qu'elle a, nous qu'a vivre soldier. From Brigade to Guada, c'est loin à Bifola. Tête là et qu'elle a, nous qu'a vivre soldier. From Brigade to Guada, c'est loin à Bifola. Tête là et qu'elle a, nous qu'a vivre soldier. From Brigade to Guada, c'est loin à Bifola. Tête là et qu'elle a, nous qu'a vivre soldier. Nous qu'a prêté serment pour tous les combattants. Faut qu'un moins militant, même les mendiants. Nous c'était opposants, criez nous dissidents. Babylone trop présent, en bas là ici donc. Tant que nous que vivants, faut que nous étions forts. La vie pas tout le monde, ça commande des efforts. Nous qu'a point un guerrier, j'y s'attend que nous mort. McFly, Bootcamp, fait son lapété fort. From Brigade to Guada, c'est loin à Bifola. Tête là et qu'elle a, nous qu'a vivre soldier. From Brigade to Guada, c'est loin à Bifola. Tête là et qu'elle a, nous qu'a vivre soldier. From Brigade to Guada, c'est loin à Bifola. Tête là et qu'elle a, nous qu'a vivre soldier. From Brigade to Guada, c'est loin à Bifola. Tête là et qu'elle a, nous qu'a vivre soldier. Yeah, that's how we do it, baby. Let's get it. Yeah, it's how we do it, baby. Let's get it. Stand up, stand strong, stand tall. L'album Une Trace de McFly, déjà disponible. On est dans la rétrospective de notre saison 2013-2014 dans l'émission Conelambi Musique Jeudi. Pour tous ceux qui voudraient voir un peu plus loin comment ont été conçus tous ces albums, écouter un peu ce qu'ont à en dire les artistes, sachez que vous avez les podcasts de toutes nos émissions sur le site archive@.org. Vous rajoutez Musique Jeudi, M-I-Z-I-K. Plus loin, J-O-D-I, et le nom de chaque artiste, et vous aurez toutes les interviews, toutes les sélections des mois. Je vous encourage à aller écouter tout ça. On va écouter un extrait d'un autre projet, d'une autre artiste que nous avons également reçue. Elle s'appelle Mimi Nelzi, son projet Moon Reflection, qui est un 3 titres qu'elle a sorti tout juste après ses 2 albums. Une artiste, chanteuse, auteur, compositeur, tout ce que vous voulez. Elle nous raconte tout ça dans son interview, et pour savoir de quoi il s'agit, on va écouter tout de suite un extrait de son projet Moon Reflection. Mimi Nelzi, tout de suite. Favet. Après la soul créole de Mimi Nelzi, nous avons reçu une autre chanteuse guadeloupéenne. Elle s'appelle Jenny, son album Liberté. Et on va sans plus tarder écouter une combinaison qu'elle a réalisée avec la grande Jocelyne Béroir, le titre Musique en nous. Et je vous encourage à aller voir un très beau clip qui a été réalisé lors du dernier carnaval en Guadeloupe par Jenny. Son album Liberté, bien sûr, déjà disponible. Et on va tout de suite écouter cette combinaison. Calé Douvant, et dans Musique Jeudi, nous mettons en avant toute cette créativité de nos artistes antillais, nos jeunes artistes antillais. On va changer de style avec un autre artiste que nous avons reçu dans notre émission. Il s'agit de Grégory Priva, artiste jazz caribéen, qui avec l'album Tales of Sipparis a marqué, on va dire, je pense cette année, notamment, on précise qu'il est actuellement en tournée du côté de la Russie avec son projet Tales of Sipparis. On va écouter tout de suite un des morceaux qui mettait en avant la voix du légendaire Joby Bernabé. Tout de suite, Grégory Priva. Fok sa riko avan rimoun Basman peye pou fe makak Man la pou fe makak bazot Mem si yo di tout je se je Me kase bwant chou makak baje Se bon je sel ki sav sa man viv

font s'il le faut. Les douceurs caressées sur ton dos, de savoir diriger. Le calcul n'est pas toujours mathématique. Les chiffres ronds parfois me donnent le vertige. La création où met ton automatisme me parle quelquefois de ta sensualité. Sensible, sensé, sans souvenir audible. Sens plutôt décrypté au crible dactylo. Premier single de la chanteuse Swanny. Allez voir aussi également le clip puisque ce titre Interaction a été mis en image et on attend impatiemment la suite du côté de Swanny, très très créative. On sera très content de la recevoir à nouveau. Et le dernier invité que nous avions reçu le mois dernier, puisque nous sommes dans cette rétrospective de la saison 2013-2014, c'est un jeune rappeur du nom de Nerka. Son projet, son EP Cinco Piezas est toujours disponible en téléchargement libre. Et on va tout de suite écouter le premier extrait, Go, avec en featuring La Gâchette. Yeah. Quand il passe, les peuples ont bien. Mais c'est quand on qui nourrit ici pour l'esprit. A.K.A. Neoka, A.K.A. Monsieur Hip Hop for Life, man. Y'a qui nourrit ici pour l'esprit. Ladies and gentlemen, toujours les mêmes textes en cabaye, toujours les mêmes émotions, toujours les mêmes pensées n'y a qu'à voyer, toujours moins qui piégé y a d'en penser en moins n'y a pas parti, y a qu'à partir de sa tête en moins v'lait pas les s'échapper, n'y a qu'à garder y a dans celle-là, qu'à chercher yon étoiles, qu'à chercher surfer, si yon vague l'amour, peut pas face la toile, parole en moins n'y a pénétrable, normal ou peut pas comprendre, incantation qu'à prendre, si les vents moins, ou peut pas comprendre, y'a dit moins n'y a qu'à réfléchir trop, comblon on a ton blague, et y'a un droit qui fait même beat, y'a avant bail, on a bague, la vie trop courte, donc en capoué pour peut s'allonger, parce même si y'a des gens jouant qui vivant pour ça qui était. Qu'on sa douze lignes qu'a sorti à d'un big. En moi y'en pas mal élivé, mais y'en vit douze bitch à si bit. En moi, freestyle y'en moins, pas ni pon code, pas ni pon chat, pas ni pon femme qui check malade. Si j'en mets, pas ni pon chambre, pas ni pon love, que y'en qui baille. Avant t'es n'yon chai, go j'en moins fait pour peu bouer, donc en capoué de l'eau à la baille pose. En live et en direct, ce chaque connaît qui moun qui boss. Non, la c'est Nerka et je représente mon hip hop. Yeah, come on. tune, check li. Et nous qui rote tune, qu'on cigarette en bouche, en timon à 6 ans. Ça nous fait c'est vivre et prendre conscience à ça, nous j'aille tourner DJ. En paye à musique, fini pour nous, fouiller lettre, fouiller musique, fouiller. Mais on nous si tête l'est, nous devons l'être belle. Complé à peu de call, oui, nous qu'en fourrer, on nous fait musique et voyez love. Fais moun danser, chanter, mater, danser, chanter, rapper, danser, chanter, rapper, rapper. Rapper pour plaisir, rapper pour faire les odons pile, rapper pour dénoncer démagogie, pour ça qui casse égosillé. En ce n'est que sorti gosillé, fin pour représenter, voyez, moun te rien cachette. Avec grand frère là, la gâchette. Et sous comprend ni pop criole, t'es mort. Boyon coup d'amoiseau, marie réa, remonter volume là, c'est 5. En live en direct, zo, j'a connaît qui moun qui boss. Je connais, yeah. Mi c'est Naka, aka Mi c'est Carter, aka Mi c'est Hip Hop for Life, man. Yeah. Y'a qui nourrit pour l'esprit. Fuck easy punchlines. Cinco. Yeah. Uno. Qui nous guette pour l'esprit. Go. On tire rafraîchissement en NK, on fraîchait pour l'esprit. On veut relaxer avant monter à d'un avion qui était des Antilles qui ou sorti la pointe pour le France Haïti. De cette Marie, pas fond de témoignage jusqu'à pomper là, passement téléchanté. Si c'est si bon à aéroport, attendre pour pas défiler. Briller qu'on s'étoile pour la famille et pas j'ai oublié. Que c'est travail qui a fait nom, non, t'es qu'à faire travail. Mais monde la vie étrange, chômage décidé, vine peuple la saille. A qu'à réfléchir son gilet quartier. Cogité, est-ce que France là, qui y'en qui voilà. Même bite qui en jité, y'en décidé parti. Vivons vite, y'en plus agité. Faisons triade dans tête, moi j'étais ça qui n'y a, j'étais y'en. Parti pour travail, parti pour on cause, parti pour pas fin, pas perdre patience. Fin un bon corps, dans des marées, moi y'en paré, je dis là. On dit pour moi, prendre l'envol, peut pas quitter comme ça. Qu'a fait si beau qu'on assiste, nous bol. Papa, pas des bons moyens, dames, pas des bons moyens. Quand est-ce que tu vas revenir, c'est ça, nana, dis-moi. Et pendant que y'en capait, d'en penser un mot aux gens au loin, ils pressent les poupées bas, ils poupées tracer un chemin. Encore ouvrir quand il a, encore ouvrir les compagnies, encore songer, dernier fois, moi y'a Vega, boy, y'a Makenga qui les con, mes frères, c'est qui m'ont, même pas trois semaines. Et comme Guada qui a pleuré trop, on savent des aïe qui viennent sec. Tellement changement, y'en flé, besoin inédit, insolite. Envoyons belle vie, qu'on Gabriel Solis. Arrêtez tourner, y'en rond, et fait même beat, y'en a tous les jours, arrêtez, y'en boit tous les samedis. Voler même mon étine, ni plus sans cause, ami qui partit des pénanés, qui fait vie à yo qui des enfants. Moi y'en la casse stagne, y'a dit ni plus encore, moi qui bise, vivre vraiment jusqu'au bout, passant pas des qu'il peut prévoir, gâteau et sort, voyou bout. En partie qui grité comme ça, pas garder moi comme ça, ni trop côté pour peut y aller, pour pas prendre à y aller, you savent, ni tellement qu'on sera fait, tellement vie pour m'aider, you savent, tellement connerie pour faire. Agir comme on irresponsable, en cas fin, ouais, payant moins, tout cas réfléchir, valisant moyen sout, en cas croyant paré pour pé parti, en cas profiter, pas ce téléphone ou qui back, pour qu'on savent qui t'en y'a qui come back. Du hip-hop, de la soul, du jazz, de la musique caco et plus encore, beaucoup, beaucoup de belles choses, beaucoup de nouvelles choses qu'on a pu entendre cette année dans cette seconde saison de Musique Jeudi, premier dimanche de chaque mois dans l'émission Con Lambi. Et on remercie tous les artistes qui nous ont proposé de la musique, envoyé de la musique et également qui sont venus dans nos locaux pour se prêter au jeu de l'interview. On rappelle Maj Traffic, McFla, Mimi Nelzi, qu'on a pu interviewer à distance, Jenny, Grégory Priva, Mélanine, Swanny, Enerka. On vous remercie, on vous donne rendez-vous certainement en septembre pour la suite. Toujours Con Lambi, Musique Jeudi, Musique Actuelle de Martinique, de Guadeloupe et plus encore, premier dimanche de chaque mois.